France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Au mois de juillet 1990, Lech Wałęsa n'était pas encore président de la République de Pologne, mais il allait le devenir au mois de décembre. Quant à Václav Havel, sorti de prison en mai 89, il était aussitôt devenu président de la Tchécoslovaquie en décembre de la même année. Comment ces deux personnalités, que rien ne prédestinait à gouverner leur pays, sinon leurs années respectives de lutte contre les régimes imposés à leur nation par l'URSS, comment ces deux hommes donc, si différents l'un de l'autre, abordaient-ils l'ère nouvelle qu'ouvrait la fin de l'emprise soviétique ? Et comment, chacune avec leur histoire propre, y compris durant la période soviétique, la société polonaise et la tchécoslovaque abordaient-elles le changement de régime politique ? Telles étaient les questions auxquelles étaient invités à répondre le sociologue Georges Minck et le politologue Jacques Rupnik, conseiller du président Václav Havel entre 90 et 92, dans le numéro 4 d'une série intitulée « Memento pour une année folle » que Pascal Werner proposait aux auditeurs de France Culture durant l'été 90. Memento pour une année folle, les dissidents au pouvoir, Lech Wałęsa et Václav Havel, une émission enregistrée le 27 juillet 1990 et diffusée la première fois le 2 août de la même année sur France Culture. Memento pour une année folle, une série de Pascal Werner. Aujourd'hui, les dissidents au pouvoir, Lech Wałęsa et Václav Havel, avec Georges Minck et Jacques Rupnik. Le printemps des peuples, c'est de nouveau le nom générique des révolutions de l'Europe de l'Est en 1989-90, rappel historique à 150 ans de distance des révolutions de 1848-1849 en Europe centrale. Non seulement le printemps des peuples a terminé l'après-guerre, mais il a bouleversé la carte de l'Europe. Si les choses sont jouées en Allemagne depuis le 17 juillet 1990, avec l'intégration de l'Allemagne unifiée dans l'OTAN, elles sont loin d'être réglées ailleurs où tout reste mouvant. Peut-on dire par exemple que le printemps des peuples a libéré la vieille Mitteleuropa, l'Europe du milieu, et qu'elle a quitté l'Est pour retrouver le centre de gravité qui lui est propre ? Ce que je vais vous demander à tous deux, Georges Minck et Jacques Rupnik, c'est de répondre à cette question à travers un exercice de précision. Le printemps des peuples est mu par des forces hétérogènes, dans des contextes historiques et nationaux différents. Peut-être allons-nous mieux comprendre ce qui est en train de se jouer si l'on fait un plan rapproché autour des deux personnages qui, aux yeux du monde, incarnent leur propre nation, Lech Wałęsa et Václav Havel. Lech Wałęsa, c'est le symbole de la démocratisation rampante à la polonaise. Porte-parole du syndicat libre Solidarność, est-il prêt en 1990, à affronter l'avenir, même si Solidarność a accéléré le calendrier politique de la Pologne en abolissant le rôle dirigeant du Parti communiste polonais et en assurant le rétablissement de la République de Pologne le 29 décembre 1989. Ou bien l'ouvrier de Gdańsk ne représente-t-il plus que le passé dissident de la Pologne ? Václav Havel, lui, c'est le symbole de la révolution de velours, l'intellectuel, l'artiste, le dramaturge, sorti de prison pour être élu président de la République tchèque ce même 29 décembre 1990. A-t-il l'étoffe d'un homme d'État ? Son influence, qui est liée à l'exercice d'un magistère moral, ne fait-elle pas de lui un homme fragile ou du moins très exposé ? Georges Minck, vous êtes chercheur au CNRS et l'un des fondateurs de l'Observatoire sociologique de l'Europe de l'Est et de l'URSS. Jacques Rupnik, vous êtes chercheur à la Fondation nationale des sciences politiques. Que peut-on lire du printemps des peuples à travers le parcours de ces deux dissidents au pouvoir, ces deux dissidents que tout distingue, le milieu, le caractère, le style et les aspirations politiques ? On pourrait peut-être commencer par Lech Wałęsa, Georges Minck. Oui, Lech Wałęsa est un personnage qui reflète tout à fait l'histoire de la Pologne communiste et post-communiste. C'est un fils de paysan, en même temps un prolétaire comme aimait le décrire la propagande communiste. D'ailleurs, dans son langage, on sent le poids de la soviétisation du langage prolétarien polonais, mais en même temps, c'est l'homme de la rupture avec le communisme, dans la mesure où il est imprégné d'une foi chrétienne très forte qui est en contradiction avec le système de valeurs de la soviétisation. C'est aussi quelqu'un qui représente par sa propre personnalité quelque chose de particulier, car il a incontestablement un charisme considérable. C'est un homme qui sait mener les foules au combat. C'est un intuitif de la politique, un animal politique considérable. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas assez de distance par rapport à des rapports de force sur le long terme. C'est peut-être aussi quelqu'un qui, tout au long de son expérience, s'est fait influencer, mais ça reste un sujet controversé parce que d'autres disent qu'il a toujours su écouter ses conseillers de gauche comme de droite comme du centre, et puis il s'est retiré pour quelques minutes et il prenait sa propre décision qui tranchait complètement avec ce que le conseiller lui disait. C'est donc une personnalité complexe qui incontestablement représente une sorte de chef de la nation, sinon chef d'un mouvement social qui a au fond fait basculer l'Europe soviétisée de Yalta dans la période de post-Yalta. Et Václav Havel alors, Jakobnik? Václav Havel a un itinéraire assez différent de celui de Lech Wałęsa, de par ses origines, de par sa profession, puisqu'il est écrivain. Mais comme Wałęsa, il est aussi le symbole d'une révolution, il est le symbole d'une identité nationale, et donc à ce titre-là, n'est-ce pas, les parallèles s'imposent. C'est un fils d'une grande famille bourgeoise tchèque, famille très cultivée, puisqu'il possédait les studios de cinéma de Barrandov, famille d'architectes aussi. Donc c'est toujours une famille qui s'est intéressée aux arts et à la culture. Et il se trouve que c'est dans le domaine culturel que la résistance s'est regroupée face d'abord à la stalinisation des années 50 et surtout face à la normalisation dans les années 70 et 80. Donc Havel a été dans le milieu de la charte 77 le personnage clé, celui autour duquel se sont regroupées justement toutes les différentes tendances qui ont convergé dans la dissidence et qui ont préparé la révolution de velours. Alors effectivement, le retournement était spectaculaire d'un homme qui est sorti de prison pour devenir président en quelques semaines. Le retournement a été spectaculaire, ça a été si soudain et si facile que ça a été peut-être trompeur par certains côtés. Il y avait un slogan formidable au moment de l'élection de Havel le 29 décembre à Prague. Il y avait la photo de Havel et en dessous il y avait écrit « Lui pour nous 20 ans, nous pour lui 2 semaines ». Et je crois que ce slogan auto-ironique, n'est-ce pas, que les Tchèques avaient formulé à l'occasion de l'élection de leur premier président libre depuis l'avant-guerre, reflète bien ce paradoxe, n'est-ce pas, l'homme symbole, mais l'homme qui a quand même été assez isolé dans la résistance. Oui, alors au-delà de ces deux oppositions, d'un côté peut-être la langue de bois de la dissidence et de l'autre côté la langue de velours de la dissidence, d'un côté l'ancien vous mineur, êtes, non? Vous êtes peut-être un peu trop sévère, langue de bois, c'est pas le mot. Je crois que dans les discours de la dissidence polonaise, il y a au contraire une langue nouvelle, tout à fait libérée de la langue de bois du communisme, et même Wałęsa, lorsqu'il se trouve face à 200 ou 300 journalistes occidentaux, tient une langue qui n'a rien à voir avec une langue de bois. Mais ce que Jacques Rupnik vient de dire sur Havel, un peu en opposition à Lech Wałęsa, introduit un peu aussi le problème plus général, qui est le problème de trajectoire différente de deux pays. Je crois que là-dessus, ces deux personnages reflètent précisément et Jacques Rupnik l'a dit à propos d'activités intenses culturelles plutôt de l'opposition tchécoslovaque, reflète justement la différence de deux parcours. La Pologne est un pays où probablement la scène politique et sociale était pendant toute l'histoire après 1956, disons, la première crise de déstalinisation, était le plus libre, dans ce sens que toutes les composantes de la structure sociale participaient d'une certaine façon au combat anticommuniste ou le préparaient. Il y a eu plusieurs rendez-vous manqués, bien entendu, entre les intellectuels et les ouvriers, mais la force du mouvement que cristallise si bien Waleza, c'est précisément cela, c'est la rencontre d'un mouvement intellectuel avec un mouvement social, le premier impulsant d'ailleurs la trajectoire du second, mais le second modélisant complètement cette trajectoire. Et au fond, en Pologne d'aujourd'hui, le problème, c'est un peu de faire la comptabilité, le bilan de cette période qui a forcément imprimé quelque chose de très particulier. On parle souvent à propos de la Pologne des difficultés de dégager aujourd'hui le pluralisme politique, de ce poids de plomb du consensus social que le mouvement social a d'une certaine façon introduit. Au fond, c'est solidarité qui était à l'origine d'un certain unitarisme, consensualisme qui va au-delà de possibilités de diversité. Oui, tout le problème est peut-être pour la Pologne aujourd'hui de réussir à créer ce qu'on appelle des comités civiques, qui sont des embryons de partis. Il n'y a pas tellement de lieux d'où peuvent émerger les partis en Pologne, si ? Si, il y a d'abord un lieu symbolique que sont les traditions de la culture politique polonaise, mais il y a en face de ces traditions ce verrouillage considérable de la scène politique par un besoin qu'exprime d'ailleurs beaucoup moins le haut de la société, les acteurs significatifs de la vie politique, que l'opinion publique en tant que telle, qui, elle, adhère complètement à cet unitarisme, consensualisme. Ça lui fait mal de voir les déchirements politiques actuels, en quelque sorte. Elle soutient par des proportions assez extraordinaires dans les sondages d'opinion la politique de Mazowiecki, qui est une politique d'austérité et de saccage du pouvoir d'achat de chacun. Oui, c'est étonnant, c'est tout à fait paradoxal. Mais parce que, précisément, cette opinion, un peu en réflexe prolongé, sortie de la lutte contre les communistes, est attachée à cette image un peu idyllique de l'union de ses chefs, de ses dirigeants. Et donc, c'est là qu'il y a le problème en Pologne en ce qui concerne la scène politique et son développement. Alors, est-ce que le problème est de même nature en Tchécoslovaquie, Jacques Rupnik ? Pas tout à fait. C'est vrai qu'il y a un mouvement qui s'appelle le Forum civique, issu de la Révolution de novembre, qui a donc cette légitimité très forte, n'est-ce pas, née de la rupture avec le communisme, et qui, à ce titre, peut-être pourrait représenter l'équivalent tchécoslovaque de solidarité, le lieu où toute la nation se reconnaît, où il y a un éventail politique, n'est-ce pas, très large, allant de la gauche socialiste jusqu'à la droite conservatrice. Oui, mais le Forum est un embryon de parti, et Solidarność est un syndicat. Un des éléments de la scène politique, et c'est là peut-être la différence avec la Pologne, n'est-ce pas, on l'a vu pendant les élections. Le Forum n'était qu'une des composantes de la vie politique, bien qu'elle soit la composante dominante. Et à côté de ça, on a assisté à l'émergence de partis politiques. Certains des anciens partis qui se sont reconstitués, d'autres sont de nouveaux partis sans tradition aucune qui se sont constitués fraîchement, qui pour l'instant n'ont pas une très grande assise. Et là, je rejoins ce qu'a dit Georges Mink sur la Pologne. Il y a une espèce de dégoût, de rejet de la vie politique partisane. Et il y a ce besoin de préserver l'unité de la lutte contre le communisme, etc. Je pense que, bien sûr, ça sera à terme une situation intenable, mais on voit les réticences profondes, compréhensibles, n'est-ce pas, après 40 années de communisme où tout a été fait au nom du parti. Donc le mot même de parti politique est rejeté et on préfère des mouvements où sont des intellectuels prestigieux, justement, comme Václav Havel, qui ont une autorité morale et qui formulent les problèmes en des termes nouveaux. Et c'est là aussi important, on a parlé de langue de bois tout à l'heure, je crois que ce qui est important dans cette arrivée des dissidents au pouvoir, c'est que précisément, n'étant pas des politiciens professionnels et n'étant pas les produits de l'ancien régime, ils formulent les problèmes politiques en des termes nouveaux. Et ces problèmes sont très importants, puisqu'on vient de le dire, il s'agit de transformer l'économie étatisée en économie de marché. Il s'agit de réduire le niveau de vie. Et il s'agit de reparler... D'introduire le chômage. Et le problème, après 45 ans de communisme, comment parler de problèmes comme le marché, l'égalité, la justice, la solidarité, des termes qui ont été complètement galvaudés par le régime communiste. Tout le langage politique a été discrédité. Et le problème, c'est comment réinventer un langage politique pour reparler de ces choses-là. Or, les intellectuels en politique ont beaucoup de défauts, mais ils ont peut-être un atout, un avantage, je pense, dans la situation actuelle, c'est qu'ils sont peut-être les mieux à même pour reformuler un langage politique dans lequel la société sera à nouveau capable de parler des problèmes que je viens d'évoquer. Une question. Václav Havel s'est acquis une crédibilité et s'est acquis un crédit immense, non seulement en Tchécoslovaquie, mais dans le monde entier, avec une phrase qui crevait l'écran de la politique traditionnelle. Il a dit « Nous sommes malades en Tchécoslovaquie parce que nous sommes habitués à parler » deux langages, un langage public et un langage privé. Et il s'est présenté comme l'homme qui allait réconcilier les deux langages. Est-ce que c'est possible vraiment pour un homme d'État? Est-ce que c'est durable? C'est une position de révolutionnaire, c'est une position d'insurgé, c'est une position de dissident. Quand on incarne après la raison d'État, qu'on va devoir défendre le chômage et la réduction du pouvoir d'achat pour préparer le marché, comment est-ce qu'on peut dire la même chose? On ne peut pas dire la même chose parce que la situation est différente. Mais on peut peut-être, et c'est ce qu'essaye de faire Havel dans cette première phase, rester fidèle à un certain nombre de principes. Et je crois que quand il dit « vivre dans la vérité », ce n'est pas qu'il cherche à moraliser constamment, à faire le quart d'heure de prêche moralisateur qu'on va infliger à la nation chaque semaine. Non, il s'agit qu'au moins le chef d'État, qui est un peu au-dessus des partis, qui est censé quand même sa fonction, l'amène aussi à se situer au-dessus des partis, lui au moins prenne une certaine hauteur de vue et reste fidèle au langage de la vérité qui était le sien. Alors bien entendu, dès que les problèmes politiques vont s'accumuler, il y aura peut-être un hiatus entre le discours du président et les réalités. Là, il faudra voir comment lui-même saura s'accommoder de cette nouvelle situation. Fragile ou pas, alors? Mais voilà, d'où une très grande fragilité, parce que pour l'instant, il a fait de la politique symbolique, voilà. C'est pas? Et il est l'homme symbole et il a fait de la politique symbolique. Et on pourrait énumérer, n'est-ce pas, ces symboles, à commencer par les emblèmes de la nation qui ont été restaurés, les drapeaux, les uniformes des gardes. Enfin, tout ça, c'était de la politique symbolique, même dans sa politique extérieure. Sa visite en Allemagne, sa visite aux États-Unis, puis seulement en Russie, tout a été fait en termes symboliques. Aujourd'hui, on épuise un peu le réservoir de la politique symbolique et on entre dans la politique vraie, qui est une politique, l'art du possible, l'arbitrage d'intérêts concrets. Et je pense que là, ça sera le véritable test. Est-ce que Havel deviendra non seulement donc l'homme symbole du parler vrai, mais aussi un homme d'État, un homme politique? Alors, Georges Minck. Oui, c'est en cela que la Pologne est peut-être un laboratoire, parce qu'elle a devancé tous les autres pays. Elle a 10 ans d'expérience. De l'Est, c'est pas seulement une question de 10 ans d'expérience, c'est aussi la rapidité avec laquelle la Pologne démonte actuellement à la fois les systèmes économiques et les systèmes politiques de type soviétique. Et ce qui apparaît très clairement, c'est que les dirigeants polonais sont tout à fait capables, peut-être parce qu'ils se sentent fortement légitimés par le fait d'avoir abattu le communisme et être sortis au fond des urnes comme les élus légitimes de la nation, mais aussi parce qu'ils ont compris pendant des années et des années de la soviétisation que la langue de bois, c'est la langue du totalitarisme et que le mensonge, c'est un instrument du totalitarisme. Aujourd'hui, le ministre chargé de ce plan draconien de sortie de l'économie soviétique vers une économie libérale, Balcerowicz, dit la vérité aux gens. Et c'est probablement une des raisons pour laquelle les gens considèrent que c'est un homme honnête. Le sondage d'opinion qui donne à Mazowiecki 70% de soutien de la population prouve bien que Mazowiecki apparaît pour les gens comme l'homme de la vérité. Alors, une question sans réponse, ça nous indique bien que l'Europe de l'Est est loin d'avoir achevé toutes ses transformations.